J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain, en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le journal, 2 septembre 1893. Réouverture de la Scala. Rentré hier même de Trouville, je me demandais où je passerais ma première soirée parisienne lorsque le petit comte de Z, dont l'écurie a fait merveille cette année sur nos champs normands, vint m'annoncer la réouverture de la Scala et m'offrir une place dans sa loge. J'acceptai de grand cœur et à 9 heures précises, le petit comte et moi, nous faisions notre entrée dans l'élégante salle du boulevard de Strasbourg. Je croyais, à dire vrai, que je me trouverais au milieu d'un public un peu mêlé, estimant qu'en ce mois estival, les mondains n'avaient pas encore quitté les flots verts de l'océan ou les sources salubres des stations thermales. Ma surprise a été grandement agréable, car la salle offrait un coup d'œil charmant. Dans les loges et aux fauteuils, tout le dessus du panier de la haute bicherie parisienne et le nec plus ultra du monde des clubs. On se serait cru à une grande première aux variétés en pleine saison théâtrale. Moi, j'adore le café-concert. Chacun son goût, n'est-ce pas? Je l'adore autant pour le plaisir que je prends moi-même à son spectacle sans cesse renouvelé que pour la joie que celui-ci provoque chez les spectateurs des petites places. Ces braves gens qui forment ce qu'on est convenu d'appeler le gros public. Oh, ce gros public. Il est vraiment charmant, comme dit la chanson. Il se désopile avec une franchise et une sincérité qui excitent la contagion. Avec lui, point n'est besoin de claque. Il applaudit de bon cœur et sans se faire prier. Quel succès il a fait hier soir à Jeanne Bloch, à Valti, à La Rive, à la petite Laurence Parfait, la transfuge de la Comédie Française, à Abdallah, à Descamps, à La Roche, à Stédie, à Gaspard, à Sarah, à Bloquette, au duettiste Nerson Petit, au chanteur Libert, Morel, Marius Richard, Mathias, Deram, Famchon, à Paul Chevalier et à Ricanor, le violoniste original qui fait penser à Satan sans ses pompes ni ses œuvres. Je voudrais, par pure curiosité de dilettante, voir une salle de première au Vaudeville ou au Palais Royal livrée tout entière à ce gros public et que nous en fussions exclus, critiques et soiristes. Comme il s'amuserait sans parti pris ou bâillerait sans esprit de commande, ce cher et gros public qui, quoi qu'on dise, fait seul le succès d'une œuvre ou sa chute. Son jugement serait en tout cas empreint d'une entière sincérité. Telle pièce que nous portons au nu serait peut-être démolie et telle autre que nous abattons serait sans doute acclamée. Le public lettré et le gros public sont rarement d'accord. Hier soir cependant, ils ont fraternisé et spontanément ils ont fait à la vaillante troupe de la Scala de nombreuses et chaudes ovations. Voilà qui promet à la bonbonnière du boulevard de Strasbourg une saison particulièrement brillante. Après cette délicieuse soirée, moi je déclare tout net, nouveau César soiriste, que je suis venu à la Scala, que j'ai vu et que je reviendrai.